La chèvre d'or. Chapitre 1. En voyage. Me voici loin. Résumons-nous. Le bilan est simple. Des amours, ou soi-disant tels, qui ne m'ont pas donné le bonheur. Des travaux impatients, qui ne m'ont pas donné la gloire. Des amitiés, la tienne exceptée, qui m'ont tout en s'égrenant laissé ce froid au cœur mêlé de sourde colère que provoque l'humiliation de se savoir dupe. Bref, je me retrouve de même qu'au début, avec en moins la foi dans l'avenir et le don précieux d'être trompé qui, seul, fait la vie supportable. Je ne rappelle que pour mémoire une fortune fort ébréchée, sans même que je puisse me donner l'excuse de quelque honorable folie. J'ai eu très distinct le sentiment de cela il y a un instant dans l'éternelle chambre d'hôtel banale et triste en écoutant l'horloge de la ville sonner. Par une rencontre qui n'a rien de singulier, cette horloge au milieu de la nuit sonnait l'heure de ma naissance. Cependant qu'à défaut de calendrier, un bouquet d'anniversaire en voix d'une trop peu oublieuse amie me disait qu'avec une cruelle douceur, le chiffre de mes 40 ans. Ne serait-ce point la cloche d'argent du palais d'Avignon au même tintement grêle et clair qui ne sonnait qu'à la mort des papes? Il me semble en effet qu'en moi, quelque chose vient de mourir. À quoi me résoudre? M'établir pessimiste? Non pas, certes, j'aurais trop peur de ta trop bien portante raillerie. Après tout, je ne suis plus riche, mais il me reste de quoi vivre libre. Je ne suis plus jeune, mais il y a encore une dizaine de belles années entre l'homme qui m'apparaît dans cette glace et un vieillard. Il est trop tard pour songer à la gloire. Mais le travail, même sans gloire, a ses nobles joies. Et puisque je n'eus pas le génie d'être créateur, peut-être qu'un effort, dans l'ordre scientifique, une série de recherches établies nettement et courageusement poursuivies, me débarrasseront des désespérantes hésitations qui, si souvent, m'ont laissé tomber l'outil des mains à mi-tâche devant des entreprises trop purement imaginative pour ne pas, à certains moments douloureux, apparaître creuses et vaines aux raisonneurs et aux timides que le hasard a fait de moi. Après avoir cherché, réfléchi, je me suis donc fixé une besogne selon mon courage et mes goûts. Tu sais, s'il m'est permis d'employer une expression que tu affectionnes, et que tu as même, je crois, un peu inventé, quel enragé traditionniste je suis. En exil, au milieu du monde moderne, j'ai cette infirmité qu'aucune chose ne m'intéresse si je n'y retrouve le fil d'or qui la rattache au passé. Mon sentiment d'ailleurs peut se défendre. L'avenir nous étant fermé, revivre le passé reste encore le seul moyen que nous ayons d'allonger intelligemment nos quelques années d'existence. Tu sais aussi, pour m'avoir souvent plaisanté sur un vague atavisme barbaresque que ton érudition moqueuse me prêtait, tu sais quelle faible j'eus toujours pour les souvenirs de la civilisation arabe. Dans ce beau pays où, par la langue et par la race, au-dessus du vieux tuf ligure, tant de peuples, phéniciens, phocéens, latins, ont laissé leur marque. Les derniers venus, les arabes, seuls m'intéressent. Plus que la grecque, qui, avec ses yeux gris-bleus, s'encadrant de longs sourcils noirs, évoque la vision de quelques cypris paysannes, plus que la romaine, dont souvent tu admiras les fières pâleurs patriciennes, me plaît rencontrer au détour d'un sentier la souple et fine sarrasine, à la lèvre rouge, au teint d'ambre. Et tandis que d'autres sentent leur cœur battre à la trouvaille d'un fragment, d'une antique ou d'une main de déesse que le soleil adorait, je ne me sentis jamais tant émue qu'un jour dans Nîmes, au bain de Diane, dont les vieilles pierres disparaissaient sous un écroulement de roses, en foulant parmi les débris le plafond de marbre fouillé et gaufré que nos constructeurs d'Alhambra ajoutèrent ingénument aux ornements ioniens du temple des nymphes. On accueillit en amis chez nous ces chevaleresques aventuriers qui, au milieu du dur Moyen-Âge, nous apportaient, vêtus de soie, la grâce et les arts d'Orient. Quand les Arabes vaincus se réembarquèrent, la Provence entière pleura, comme pleurait Blanche de Simiane au départ de son bel émir. J'avais entrepris autrefois sur ce sujet un travail, hélas interrompu trop vite, et retrouve même fort à propos un cahier jauni dont bien des pages sont restées blanches. Je ferai revivre, en les complétant, ces notes longtemps oubliées. Je recommencerai mes longues courses sous ce ciel pareil au ciel d'Orient, à travers ces rocs mi-africains qui portent le palmier et la figue de Barbarie, le long de ces calanques bleues propices au débarquement de ces plages, où, dans le sable blond, s'enfonçait la proue des galères. Heureux le soir, et n'ayant pas perdu ma journée, si je découvre quelques noms de famille ou de lieux dont la consonance dise l'origine, si j'aperçois au soleil couchant, près de la mer, sur une cime, quelques villages blancs, avec une vieille tour sarrasine, gardant encore ses créneaux et l'amorce de ses mots charabis. Dans ce pays hospitalier, indulgent mauvais chasseur, un fusil jeté sur l'épaule me donnera l'accès auprès des paysans. La mission, gratuite d'ailleurs, est peu déterminée que ton amitié à tout hasard m'avait obtenue du ministère, me fera bien accueillir des savants locaux, des curés, des instituteurs et me permettra de fouiller les vieux cahiers de taille, les cadastres, les résidus d'archives. Et après un mois ou deux de cette érudition en plein air, j'espère te rapporter, sinon d'importantes découvertes, du moins un ami bronzé et solide à la place du Parisien ultra nerveux que tu as envoyé se refaire l'esprit et le corps au soleil.